Épilogue. Et M. Delorme, car c'était bien lui, s'avança et dit « Quoique ma résurrection vous surprenne désagréablement, je ne pense pas, Tapabord, que vous poussiez l'outrecuidance jusqu'à me contester le droit à l'existence et à prétendre que je suis rayé définitivement du nombre des vivants. D'ailleurs, ce brave Dumoulin, qui était jadis brigadier de gendarmerie à Maubuisson et qui est maintenant maréchal des logis, ce dont je le félicite, n'hésiterait pas à certifier mon identité. N'est-ce pas, mon ami ?»« Pour sûr de vrai, » approuva Dumoulin. « Je le soutiendrai comme je soutiendrai qu'il y a de l'eau dans le lac et du sucre dans la mélasse. Serrez-moi donc la main, Dumoulin, car je suis heureux de vous revoir et vider à ma santé la bouteille de vin vieux que Bernard va vous servir et dont ces messieurs, » il désigna l'agent de la sûreté et maître Cugorgius, « ne seront peut-être pas fâchés, puisque l'occasion se présente, de savourer le bouquet. » Le notaire, atterré, ne soufflait mot. Delorme lui décocha. « Quant à vous, vous pouvez prendre vos clics et vos claques en attendant d'avoir de mes nouvelles, que je vous en préviens, je m'appliquerai à rendre les plus mauvaises possibles. » À présent, le grand-père, le petit-fils et la jolie Simone étaient seuls. Delorme sourit avec malice et bonhomie. Il se carra dans un fauteuil et entreprit d'Elbon. « Alors, cela te fait plaisir de me revoir et tu préfères me conserver que de conserver l'héritage ?» D'Elbon protesta, avec un accent de sincérité auquel il était impossible de se méprendre. « Oh, grand-père, comment pouvez-vous seulement demander une chose pareille ?» Delorme répartit. « Dame, je crains que tu me gardes rancune. Ne t'ai-je pas obligé d'apprendre, en dépit de tes goûts, un peu d'architecture, et n'aurais-je pas contribué à transformer en pot-au-feu un coureur d'aventure ?» Quelque désir qu'eut Delbon d'avoir des explications sur un coup de théâtre, qui semblait avoir été machiné par un des plus habiles fabricants de mélos de l'ambigu, il ne prêtait pas, à vrai dire, une attention très soutenue à ce début de conversation. Il s'évertuait, par une éloquence muette et navrée, à exprimer à la jeune fille, en train d'édifier sa chevelure avec des mains curieusement maladroites, combien elle regrettait de l'avoir sans doute blessée par une supposition injurieuse. Et ma foi, on semblait assuré par un regard très doux, où s'était éteinte toute flamme ironique, que l'on était prêt à pardonner. Le grand-père, qui s'apercevait de ses distractions et devinait sa cause, en tira d'Elbon par un éclat de voix tonitruante. « M'écouteras-tu, oui ou non, sacripant ? Ah, c'est vraiment décourageant de quitter les Champs-Élysées pour rencontrer un pareil accueil parmi ses proches. Mais je vous écoute. »« Ouais, » fit le rusé vieillard. « Eh bien, si tu réussis à me répéter dans un instant ce que je vais te dire, j'ouvrirai encore tout à l'heure à ton intention ma boîte à surprises. » Il enveloppa la jeune fille rougissante d'un coup d'œil affectueux. Puis il narra. D'instinct, tu n'aimais guère Tapabord. Certains agissements de ce filou ne tardèrent pas de m'obliger à vérifier ce qu'il y avait d'exact dans tes pressentiments, et pour arriver sûrement et sans esclandre à mon but, je m'avisais d'un ingénieux stratagème d'ancienne comédie. Que veux-tu ? Quand on est âgé, désœuvré, on prend son plaisir où on le trouve. Au cours d'un voyage dans la basse Égypte, et avec la complicité dévouée de mon fidèle Bernard, à qui, entre parenthèses, tu dois des excuses, je fis courir le bruit de ma mort. Delmon objecta. Une telle manœuvre était-elle suffisante pour vous permettre de réussir dans un dessein que je devine ? Non. Mais au noble pays des pharaons, comme dans nombre d'autres contrées, ne serait-ce que dans la nôtre, on obtient assez facilement tout et autre chose moyennant un honnête bakchiche. Je me procurai donc mon acte de décès que j'eus la satisfaction assez rare de payer moi-même. Delbon interrompit son grand-père pour compléter. De manière que Tapabord, vous croyant disparu, démasqua ses batteries avec d'autant plus d'audace et d'impudence qu'il ne se croyait pas observé par Bernard, en qui il s'imaginait payer un complice. Delorme m'applaudit. Eh, tu es subtil. L'amour, dit-on, donne de l'esprit aux filles. Il doit aussi en donner aux garçons. Delbon rougit. Delorme, qui ne parut pas s'apercevoir de ce trouble, de cet aveu, poursuivit. Je devais reconnaître d'ailleurs, non sans dépit, que la combinaison risquait d'entraîner certains désagréments. Pour toi. Par Bernard, je fus prévenu à Nice, où je chauffais mes articulations au soleil de la corniche, que ton existence était en jeu. Je n'ai pas besoin de te dire que je n'aurais pas laissé se dérouler jusqu'au bout les péripéties maintenant dangereuses de la mystification, si la maladie, un chien de rhumatisme aigu à l'épaule, ne s'en était mêlé, sans me demander mon avis. Il devait être soudoyé par le Tapabord, car non seulement il m'empêchait d'accourir, mais encore de correspondre. M'as-tu suivi ? par point et par mesure. Je veux bien te croire. D'ailleurs, les peuples heureux n'ont pas d'histoire, et tu vas être bientôt comme ces peuples. J'abrège. Dès que je l'ai pu, je suis intervenu, un peu théâtralement, après avoir préludé au scénario du dénouement par une méditation de la maison de Madame Leroy, où j'étais hébergé incognito pendant 2 ou 3 jours, ainsi qu'un prince. Simone intervint. « Et vous me pardonnez mes petits mensonges, monsieur Delbon, la félicité rend indulgent. Vous ne m'en voulez plus, j'espère, d'avoir usurpé les noms et qualités de Perrette Limoges. Vous ne me gardez pas rancune de ne point vous avoir ouvert la grille qui, dans la crypte de notre chapelle, condamne l'issue du souterrain. Vous m'excusez, n'est-ce pas, de m'être réservé ce passage pour mon usage particulier. J'ai parfois éprouvé votre patience, mais je fais amende honorable. Et puis, qui sait si je ne vous rendais pas service? Vous avez un mauvais, très mauvais caractère. En le mettant à l'épreuve, j'ai contribué à l'améliorer. » Delorme s'écria joyeusement. « Je ne crois pas qu'il te pardonne. Une preuve. Pour te faire souffrir davantage, il est fort capable d'accepter de devenir ton époux, n'est-ce pas, Henri ?»« Oh, grand-père !» s'écria le jeune homme en se jetant au cou de vieillard qui remarqua narquoisement. « Je savais bien qu'il n'y avait rien de tel pour rapprocher les jeunes gens de sexes différents que de leur interdire de se fréquenter. Apologue éternel du fruit défendu. » Et ravi de la réussite de ce qu'il avait préparé dans l'ombre, il conclut. Puisque le rideau va tomber, ne ratons pas le dernier effet. Jouant avec succès les pères nobles, je vous dis, embrassez-vous, mes enfants. Et Bernard, qui savait résumer chaque événement en mots appropriés, arriva juste à point pour lancer. Le bonheur est pareil à une châtaigne, il faut en arracher la bogue pour en découvrir la saveur. Ainsi s'achève Le Château du Reliquaire par Jean d'Agrève.